Max a commencé à travailler il y a longtemps ? Il a commencé à travailler il y a 30 ans. Il prendra sa retraite dans combien de temps ? Il prendra sa retraite dans 5 ans. Le film a commencé il y a combien de temps ? Il a commencé il y a 10 minutes. Il finira dans combien de temps ? Il finira dans 2 heures. Le train est arrivé il y a combien de temps ? Il est arrivé il y a 20 minutes. Il repartira dans combien de temps ? Il repartira dans 1 heure. L'avion est parti il y a combien de temps ? Il est parti il y a 2 heures. Il arrivera dans combien de temps ? Il arrivera dans 1 demi-heure.